Extrait de la sixième promenade. Nous n'avons guère de mouvement machinal dont nous puissions trouver la cause dans notre cœur si nous savions bien y chercher. Hier, passant sur le nouveau boulevard pour aller herboriser long de la Bièvre du côté de Gentilly, je fis le crochet à droite en approchant de la barrière d'enfer. Et, m'écartant de la campagne, j'allais par la route de Fontainebleau gagner les hauteurs qui bordent cette petite rivière. Cette marche était fort indifférente en elle-même, mais en me rappelant que j'avais fait plusieurs fois machinalement le même détour, j'en recherchais la cause en moi-même et je ne pus m'empêcher de rire quand je vins à la démêler. Dans un coin du boulevard, à la sortie de la barrière d'enfer, s'établit journellement en été une femme qui vend du fruit, de la tisane et des petits pains. Cette femme a un petit garçon fort gentil, mais boiteux, qui, clopinant avec ses béquilles, s'en va d'assez bonne grâce demander l'aumône aux passants. J'avais fait une espèce de connaissance avec ce petit bonhomme. Il ne manquait pas, chaque fois que je passais, de venir me faire son petit compliment, toujours suivi de ma petite offrande. Les premières fois, je fus charmé de le voir. Je lui donnai un très bon cœur, et je continuai quelque temps de le faire, avec le même plaisir, y joignant même le plus souvent celui d'exciter et d'écouter son petit babil que je trouvais agréable. Ce plaisir, devenu par degrés habitude, se trouva, je ne sais comment, transformé dans une espèce de devoir dont je sentis bientôt la gêne, surtout à cause de la harangue préliminaire qu'il fallait écouter, et dans laquelle il ne manquait jamais de m'appeler souvent « Monsieur Rousseau » pour montrer qu'il me connaissait bien, ce qui m'apprenait assez, au contraire, qu'il ne me connaissait pas plus que ceux qui l'avaient instruit. Dès lors, je passais par là moins volontiers, et enfin, je pris machinalement l'habitude de faire le plus souvent un détour quand j'approchais de cette traverse. Voilà ce que je découvris en y réfléchissant, car rien de tout cela ne s'était offert jusqu'alors distinctement à ma pensée. De même, j'ai senti souvent le poids de mes propres bienfaits par la chaîne des devoirs qu'ils entraînent à leur suite. Alors, le plaisir a disparu, et je n'ai pu trouver de la continuation des mêmes soins qui m'avaient d'abord charmé qu'une gêne presque insupportable. Durant mes courtes prospérités, beaucoup de gens recouraient à moi, et jamais, dans tous les services que je pus leur rendre, aucun d'eux ne fut éconduit. Mais, de ces premiers bienfaits, versés avec effusion de cœur, naissaient des chaînes d'engagement successifs que je n'avais pas prévues, et dont je ne pouvais plus secouer le joug. Mes premiers services n'étaient, aux yeux de ceux qui les recevaient, que les prémices de ceux qui les devaient suivre. Et dès que quelqu'un infortuné avait jeté sur moi le grappin d'un bienfait reçu, ça n'était fait désormais, et ce premier bienfait, libre et volontaire, devenait un droit indéfini à tous ceux dont ils pouvaient avoir besoin dans la suite, sans que l'impuissance même suffit pour m'en affranchir. Voilà comment des jouissances très douces se transformaient pour moi dans la suite en d'onéreux assujettissements. Ces chaînes ne me parurent cependant pas très pesantes tant qu'ignorées du public, je vécus dans l'obscurité. Mais, quand une fois ma personne fut affichée par mes écrits, faute grave sans doute, mais plus que expiée par mes malheurs, dès lors, je devins le bureau général d'adresse de tous les souffreteux, ou soi-disant tels, de tous les aventuriers qui cherchaient des dupes, de tous ceux qui, sous prétexte du grand crédit qu'ils finissaient de m'attribuer, voulaient s'emparer de moi de manière ou d'autre. C'est alors que j'eus lieu de connaître que tous les penchants de la nature, sans excepter la bienfaisance elle-même, portée ou suivie dans la société sans prudence et sans choix, changent de nature et deviennent souvent aussi nuisibles qu'ils étaient utiles dans leur première direction.